Chapitre 8e. Comment la venue d'un colporteur étranger opéra un grand changement dans l'esprit et dans les manières de Sally. Darrell attendait à l'auberge, sur le bord de la route, la poste qui devait lui apporter un paquet contenant de l'argent que son ami et patron, Lord C., lui envoyait. Il était contrarié et humilié de sa rencontre avec le capitaine Fanny. Pour la seconde fois de sa vie, il avait été vaincu, et pour la seconde fois, il se trouvait hors d'état de se venger. Le constable, à qui il raconta l'histoire du vol, ne fit que hausser les épaules et lui offrit de lui raconter une douzaine d'aventures pareilles arrivées dans la dernière quinzaine. Selon lui, Darrell n'avait rien à faire de mieux que de se consoler doucement de la perte de son argent et de son cheval et de continuer sa route. Pendant le temps que Darrell mit à parcourir les comtés de l'Ouest, en voyageant lentement et à petites journées vers la ville, tandis qu'à l'Ours Noir, Sally et tous les habitants de Compton, depuis le curé, le notaire et le médecin, jusqu'au paysan le plus humble du village, s'occupaient des préparatifs de Noël qui approchaient, Millicent attendait de jour en jour le retour de son mari. Tout Compton pouvait bien croire que le capitaine Duke était mort. Millicent ne le croyait pas. Elle pensait que tous les orages qui déchirent les cieux et qui soulèvent l'océan ne pouvaient causer la mort de George. Elle attendait son retour avec un morne effroi, se disant chaque jour qu'il pouvait arriver. Le matin, elle se levait avec la pensée qu'avant que la longue journée fût finie, elle le verrait assis au foyer. Elle n'entendait jamais sans trembler le bruit d'une porte, dans la crainte que la main qu'il ouvrait ne fût celle du capitaine. Elle n'écoutait jamais les pas d'un homme dans la grande rue du village, sans frissonner à l'idée qu'elle allait reconnaître le pas de son mari. Sa rencontre sur la jetée de Marley, par le clair de lune, avec l'ombre de George Duke, avait ajouté une terreur superstitieuse à l'aversion qu'elle avait pour lui. Elle le regardait depuis lors comme un être possédant un pouvoir surnaturel. Elle croyait toujours qu'il était auprès d'elle, invisible, impalpable, caché dans les recoins obscurs de la sombre boiserie, ou couché dans la neige de l'autre côté de la persienne, ou bien espionnant ses pensées les plus secrètes, et que connaissant sa répugnance pour lui, il s'absentait de longues années seulement pour la tourmenter en reparaissant quand elle ne l'attendrait plus et qu'elle se croirait heureuse. Son frère Ringwood ne lui écrivait jamais, et toutes les nouvelles qu'elle recevait de lui indirectement parlaient de sa mauvaise conduite et de sa dissipation, de ses querelles dans les tavernes et dans les rues de Covent Garden. Elle savait qu'il dépensait tout son bien avec des débauchés, mais elle n'avait jamais pensé à la chance de sa mort, qui la rendrait maîtresse du vieux et superbe manoir dans lequel elle était née. Sally était alors au beau milieu de ses préparatifs pour la fête de Noël. Des oies grasses pendaient aux crocs dans le garde-manger. Leurs longs cous touchaient presque la terre. De gras dindons et des chapons magnifiques se balançaient pêle-mêle avec le lourd aloyau de bœuf qui devait être la pièce principale du dîner de Noël. Pourtant, du garde-manger au lavoir, des caves au grenier, il y avait des signes d'abondance et de grandes promesses de bonne chère. Dans la cuisine, comme dans l'office, Sally était la divinité qui dirigeait tout. Betty, la cuisinière, plumait les oies, tandis que sa maîtresse faisait les tourtes et préparait les ingrédients pour le pudding qu'on devait apporter le lendemain, garni de houx et tout entouré de rhum enflammé, dans le parloir en chêne. Ces apprêts étaient si importants que la maîtresse et la servante travaillaient encore laborieusement à 9 heures, le soir du 24 décembre, dans la grande cuisine de l'Ours Noir. Cette cuisine était située sur le derrière de la maison. Elle était séparée des chambres principales, du vestibule et du comptoir, par un long corridor, ce qui empêchait les habitués de Mme Pecker d'entendre le bruit des assiettes et des plats et de sentir l'odeur de la cuisine. Personne ne devait rien savoir du dîner qu'elle avait ordonné, jusqu'au moment où on le verrait fumant sur la table. Sally et sa bonne étaient tout à fait seules dans la cuisine, car Samuel était au comptoir. Et les deux femmes de chambre servaient les voyageurs arrivés par la diligence de Carlyle. La gelée, qui était de saison, et dont tout Compton s'était réjoui, avait cessé juste à l'approche de Noël. Une pluie fine tombait sans bruit au dehors contre les volets des fenêtres solidement barrées. « Je n'ai jamais vu un pareil temps, » dit Mme Pecker en fermant la porte avec beaucoup de bruit. « Rien que de la pluie qui tombe aussi droit qu'une des raies que Samuel fait avec son crayon entre les chiffres d'un compte. » Par un pareil temps, Noël n'est plus Noël. Nous ferions aussi bien d'avoir des canards, des petits pois, et une tourte de cerise pour demain, car il fait une chaleur étouffante et si humide que je puis à peine supporter le feu. » Les domestiques de l'ours noir connaissaient trop la valeur d'une bonne place et d'une vie paisible pour jamais contredire ce que disait leur maîtresse. Betty, la cuisinière, se mit tout de suite d'accord avec Madame Pecker et répéta que certainement il faisait trop chaud. La porte de derrière, qui communiquait avec la cuisine de l'ours noir, était l'entrée dont les marchands du village se servaient quand ils apportaient leur fourniture à Madame Pecker, aussi bien que les rôdeurs, les mendiants, les vauriens, les paresseux, qui généralement n'apparaissaient que pour être aussitôt congédiés avec une parole sévère de Sarah ou d'une des servantes. Cette veille de Noël, Madame Pecker attendait un paquet d'épiceries du bourg voisin que le voiturier de Compton devait lui apporter. « Purvis est en retard, Betty, » dit-elle lorsque la pendule sonna 9 heures. « J'aurais pourtant besoin des raisins secs pour la première fournée de pâté. La peste soit de lui. Il jase, il boit à chaque maison où il s'arrête. » On eût dit que le voiturier avait entendu les injures amassées sur sa coupable tête, car à l'instant même retentit bruyamment un coup frappé sur le volet de la fenêtre. « Voilà Purvis, j'engagerai ma vie !» s'écria Sarah. « Le fou ne sait pas distinguer la porte de la fenêtre. Allez vite, Betty, cherchez le paquet. Vous fouillerez après dans ma poche pour y prendre 12 sous. Je ne puis ôter mes mains de la farine. » La fille s'empressa d'ouvrir et reparut aussitôt. Ce n'était pas Purvis, mais un colporteur qui désirait montrer des soies et des dentelles à Madame Pecker. « Des soies? Des dentelles ?» s'écria Sally. « Je ne veux point de ces falbas-là. Dites à cet homme de s'en aller sur le champ. Je ne veux pas voir de pareils vagabonds encombrer ma porte. » La fille retourna, fit des remontrances à l'homme, qui parlait très bas, mais qui déclara qu'il ne quitterait pas la maison avant d'avoir vu la maîtresse de l'ours noir. Betty revint pour la seconde fois vers sa maîtresse. « Il ne veut pas partir !» s'écria la formidable Sarah d'une voix retentissante. « Nous allons bientôt voir cela. Dites-lui que les constables ne manquent pas à Compton et qu'ils sont sévères pour les vagabonds. » « Mais vous ne serez pas si sévère pour moi, vous, Madame Pecker, » dit l'homme en entrant dans la cuisine. C'était un robuste gaillard aux larges épaules. Il avait le nez crochu des Juifs, des yeux noirs étincelants, et son teint, qui avait été exposé à toutes sortes d'intempéries, avait presque la couleur du cuivre. Il portait un chapeau à 3 cornes, garni de galons ternis et posé avec nonchalance sur un côté de sa tête. Ses cheveux étaient d'un rouge sombre, et une barbe raide et noire tombait sur son double menton. Il portait des boucles d'or aux oreilles, et quelque chose qui ressemblait à un diamant luisait sur la sale dentelle du jabot déguenillé de sa chemise. La rude main bronzée qui tenait sa boîte ouverte, tandis qu'il parlait à Madame Pecker, était couverte de bagues qui pouvaient aussi bien être du cuivre que de l'or. « Vous ne refuserez pas de regarder mes soieries, Madame Sally, » dit-il d'une manière insinuante, « ou de donner à un pauvre homme fatigué un verre de quelque chose de réconfortant en l'honneur de la veillée de Noël. » Madame Pecker ôta sa main de la farine, mais si blanche qu'elle fût, elle n'était pas d'une nuance plus blanche que son visage, ordinairement si rouge. Pour la première fois, l'hôtesse de l'ours noir semblait incapable de trouver une réponse vigoureuse. « Vous pouvez entrer, » dit-elle en ouvrant la bouche pour respirer et en parlant d'une voix basse et rauque, puis elle se jeta dans une chaise. « Betty, ma fille, allez en haut. Je vais voir ce que cet homme désire. » Mais la cuisinière n'était nullement disposée à perdre un seul mot de la conversation qu'allait avoir lieu entre sa maîtresse et le colporteur. Et bien qu'habituée à obéir instantanément à Sarah, elle osa hésiter cette fois. « S'il s'agit de soie et de dentelle, madame, dit-elle, je m'y connais très bien, car dans ma dernière place, ma maîtresse achetait bien souvent aux Juifs et aux colporteurs, et je peux dire si ces gens-là sont honnêtes. » « Je ne doute pas que vous ne soyez très savante, la fille, » répliqua le colporteur, « mais j'ose dire que votre maîtresse peut bien choisir une robe de soie sans votre avis. Allons, la belle, sortez de la cuisine, entendez-vous ?»« Eh bien, voilà de belles !» s'écria Betty en remuant la tête sans quitter sa position auprès de Madame Pecker. « La fille, m'entendez-vous ? » dit brutalement le colporteur. « Allez !»« Je ne m'en irai pas parce que vous me le dites, » s'écria Betty. « Madame, je ne vous laisserai pas seule avec un homme comme celui-là. » Elle ajouta à voix basse, de façon à ce que Sally seule pût l'entendre. « Votre montre d'argent est accrochée sur le manteau de la cheminée. Il y a 3 cuillères sur le dressoir. »« Allez, Betty, » dit Madame Pecker d'une voix basse et rauque. « Allez, ma fille. » »« Je ne mettrai pas plus de 10 minutes à choisir une robe, » et si cet homme désire me parler, il faut qu'il en ait le loisir. » Elle se leva de sa chaise avec effort, suivit Betty dans le corridor, la vit entrer dans le vestibule, revint et ferma à clé la porte de la cuisine. Le colporteur était debout devant le feu quand elle rentra. Il fumait une pipe. Il avait ôté son chapeau. Ses longs cheveux tombaient en boucles grasses autour de son cou. Ses grandes bottes fumaient, tandis qu'il chauffait au feu ses jambes mouillées. « Avez-vous bien tout arrangé de façon que personne ne nous entende ?» dit-il quand Mme Pecker rentra dans la cuisine. « Oui. Point d'yeux, point d'oreille, aux portes, ni au trou de la serrure ?»« Non. C'est bien. Maintenant, Sarah Pecker, écoutez-moi. » Ce que dit le colporteur et combien de temps il prit pour le dire, personne ne le sut jamais que la maîtresse de l'ours noir. Betty la cuisinière, qui mettait tour à tour son œil et son oreille au trou de la serrure, ne put voir que la faible lueur du feu qui brillait dans la cheminée, entendre que le rauque murmure de la voix du juif. Ce murmure même cessa, et Betty crut que l'homme était parti. Cependant, Mme Pecker ne venait pas ouvrir la porte. Pendant plus d'un quart d'heure, Betty écouta encore. « Il doit être parti, » pensait-elle. Elle secoua la porte. « Donnez-moi la clé, s'il vous plaît, madame, » cria-t-elle à travers la serrure. « La dernière fournée de pâté sera toute brûlée si on ne les retourne pas. » Mais elle ne recevait toujours point de réponse. Même silence. La fille demeura là, tout effrayée. Puis elle jeta un cri perçant, et aussi vite que ses jambes purent le lui permettre, elle courut chercher Pecker. Est-ce que ce colporteur aux boucles d'oreilles avait enlevé l'imposante Sarah ? Samuel était dans le parloir boisé. Il causait avec quelques marchands de Compton un peu gris déjà, grâce au punch qu'ils avaient bu et aussi à l'influence de la saison. « Mon maître ! Mon maître !» s'écria la servante, montrant sa pâle figure à la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, Betty ? » demanda Samuel. Lui aussi, il avait peut-être un peu profité de la saison. Il était gai, ou plutôt moins triste, qu'à l'ordinaire. « Betty, qu'est-ce qu'il y a ? » répéta-t-il en se dressant et en regardant la fille d'un air de défi qui semblait dire « Supposeriez-vous que j'ai bu ?» Betty le regardait fixement, sans voix et sans haleine. « Qu'est-ce que vous avez, Betty ? » ?»« Ma maîtresse, monsieur. » Quelque chose, certainement ce n'était pas un rayon de joie, illumina la physionomie de l'aubergiste tandis qu'il disait « Est-ce qu'elle est tombée malade, Betty ?»« Non, monsieur. Mais un colporteur, monsieur. » Un étranger à l'air féroce a demandé à voir ma maîtresse. Moi, je lui ai dit de s'en aller, et j'ai essayé de lui faire peur en le menaçant des constables. Mais il n'a pas voulu déguerpir. Il a offert à ma maîtresse des robes de soie, et elle m'a renvoyé de la cuisine. Et elle a fermé à clé la porte du corridor. Il y a une heure de plus de cela, et, faites excuse, monsieur, je crois qu'il a enlevé ma maîtresse. Votre maîtresse est un peu lourde, Betty, murmura-t-il d'un air pensif. Le colporteur était-il un gros homme ? Il en ferait deux tels que vous, monsieur, répliqua la fille. Cela se peut, Betty, mais deux comme moi ne seraient rien contre Sally. Il paraissait si bien disposé à se rasseoir et à prendre l'affaire avec philosophie que la servante perdit presque patience. La porte du corridor est fermée à clé, répéta-t-elle, et je ne peux l'enfoncer. Ne ferions-nous pas mieux de prendre une lanterne et d'aller à la cuisine par l'autre chemin ? Samuel fit un signe de la tête. « Vous avez raison, Betty. Allez chercher la lanterne et j'irai avec vous. Mais si cet homme a enlevé votre maîtresse, » ajouta-t-il d'un air réfléchi, « il y a tant de chemins de traverse autour de Compton que ce ne serait pas la peine de les poursuivre. » Betty marcha la première la lanterne à la main pour montrer le chemin de la cour. Ils trouvèrent Purvis, le voiturier, à la porte de derrière. « J'ai frappé 6 fois, » dit-il. « Personne ne me répond. » Betty ouvrit la porte et entra. Samuel et le voiturier la suivaient. Le colporteur était parti, et Sarah, évanouie, était étendue par terre. Ils la relevèrent et lui jetèrent de l'eau froide et du vinaigre à la figure. Il y avait là des plumes arrachées d'une oie grasse. On brûla quelques-unes de ces plumes sous les narines de Sarah. Elle reprit ses sens. « Je parierai un écu, » dit Betty, « que la montre et les cuillères sont volées. » Madame Pecker ouvrit enfin les yeux, et voyant le doux Samuel à ses côtés, elle fondit soudainement en larmes. Elle jeta ses robustes bras autour du cou de son mari, et tout à fait indifférente à la présence du voiturier et de Betty, elle s'écria avec passion. « Tu as toujours été un bon mari pour moi, Samuel, et moi je n'ai pas été une femme indulgente. Mais nous sommes punis pour nos péchés dans ce monde aussi bien que dans l'autre, et j'essaierai à l'avenir de te rendre plus heureux. Car je t'aime, mon cher mari, je t'aime. » Le spectacle de cette émotion si rare épouvanta presque Samuel. Ses petits yeux bleus eurent un regard humide en contemplant son épouse en pleurs. « Mon Dieu, ne dis pas cela, Sarah. Je ne désire pas que tu sois meilleur envers moi. Je suis très heureux à présent. C'est vrai que tu me parles quelquefois un peu brusquement, mais j'y suis habitué, et je me croirais perdu avec une femme qui ne me contredirait pas. » « Les cuillères et la montre ne sont plus là, » s'écria Betty, qui avait examiné la cuisine. « Je savais bien que ce colporteur était venu avec de mauvaises intentions. »« c'est vrai, » murmura Sarah. Bientôt, dans le village de Compton, on put voir, chose assez bizarre, que par le seul fait d'avoir été volé d'une valeur de 10 ou 15 livres par un colporteur sans probité, une grande réforme s'était faite dans le caractère et dans les manières de Sarah à l'égard de son mari Samuel. Il en était pourtant ainsi. Noël passa. Des gelées rigoureuses succédèrent aux pluies fines, et la pluie fit fondre les glaces. Des brises plus douces soufflèrent sur les bruyères de Compton. Les fleurs du printemps s'épanouirent dans les haies verdoyantes. Sarah continuait toujours à être douce envers son mari stupéfait. Le doux aubergiste de l'Ours Noir croyait faire un rêve. Il avait la clé des caves, et sa lie lui permettait de boire autant de liqueur qu'il en désirait. Samuel ne faisait pas d'ailleurs un trop mauvais usage de ce privilège, car il était sobre de son naturel. Vraiment, il était devenu presque le maître dans sa maison. Quelquefois même, ce nouvel état de choses lui paraissait si beau qu'il s'en croyait indigne. Une fois, il vint vers sa femme et lui dit « Sarah, parle-moi moins doucement, s'il te plaît, car je me sens l'esprit un peu dérangé. »